Chapitre 38e, dimanche 4 mai. Après une journée de marche encore longue sous un ardent soleil, vers le soir, nous voyons poindre devant nous Tanger-la-Blanche. Au-dessus, la ligne bleue de la Méditerranée et au-dessus encore, cette lointaine dentelure irisée qu'est la côte d'Europe. Nous éprouvons une première impression de gêne, presque de surprise, en passant au milieu des villas européennes de la banlieue. Et notre gêne devient de la confusion lorsqu'en entrant dans le jardin de l'hôtel, avec nos figures noircies, nos burnous et nos jambes nues, notre suite de muletiers, de ballots, notre déballage de bédouins nomades, nous tombons au milieu d'un essaim de jeunes misses anglaises en train de jouer au lawn tennis. Vraiment, Tanger nous paraît le comble de la civilisation, du raffinement moderne. Un hôtel où l'on nous donne à manger sans exiger de nous la lettre de rançon signée du sultan. Pour nous apporter le couscous à table d'hôte, des messieurs cuistres, tout de blanc cravatés, tout de noir vêtus, avec de petits cafetans étriqués, arrêtés devant à la taille comme si le drap coûtait trop cher, et prolongés derrière, au-dessous du dos, par deux pendeloques saugrenus en élytres de hanneton. Des choses laides et des choses commodes. La ville, partout ouverte, est sûre. Plus besoin de garde pour circuler par les rues. Plus besoin de veiller sur sa personne. En résumé, l'existence matérielle très simplifiée, plus confortable, nous sommes forcés de le reconnaître, facile à tous avec un peu d'argent. Et à la détente qui se produit en nous, nous sentons tout ce qu'avait d'oppressant, malgré son charme, cette replongée si profonde que nous venons de faire dans des âges antérieurs. Cependant, nos préférences et nos regrets sont encore pour le pays qui vient de se refermer derrière nous. Pour nous-mêmes, il est trop tard, assurément. Nous ne nous y acclimaterions plus. Mais la vie de ceux qui y sont nés nous paraît moins misérable que la nôtre et moins faussée. Personnellement, j'avoue que j'aimerais mieux être le très saint calife que de présider la plus parlementaire, la plus lettrée, la plus industrieuse des républiques. Et même le dernier des chamelis arabes, qui après ses courses par le désert meurt un beau jour au soleil en tendant à Allah ses mains confiantes, me paraît avoir eu la part beaucoup plus belle qu'un ouvrier de la grande usine européenne, chauffeur ou diplomate, qui finit son martyre de travail et de convoitise sur un lit en blasphémant. Ô Maghreb sombre, reste bien longtemps encore, muré, impénétrable aux choses nouvelles, tourne bien le dos à l'Europe et immobilise-toi dans les choses passées. Dors bien longtemps et continue ton vieux rêve, afin qu'au moins il y ait un dernier pays où les hommes fassent leurs prières. Et qu'Allah conserve au sultan ses territoires insoumis et ses solitudes tapissées de fleurs, ses déserts d'asphodèles et d'iris, pour y exercer dans l'espace libre l'agilité de ses cavaliers et les jarrets de ses chevaux, pour y guerroyer comme jadis les paladins et y moissonner des têtes rebelles. Qu'Allah conserve au peuple arabe ses songes mystiques, son immuabilité dédaigneuse et ses haillons gris, qu'ils conservent aux musettes bédouines leur voix triste qui fait frémir, aux vieilles mosquées l'inviolable mystère, et le suaire des chaux blanches aux ruines. Ainsi s'achève, au Maroc, de Pierre Loti,